Partie 1. Dieu. Chapitre 1. Pourquoi sommes-nous ici? Je vais commencer par une histoire, un peu comme celle qu'on vous racontait, Isabelle et Madeleine, quand vous étiez toutes petites filles. L'histoire de l'étrange têtard. Il était une fois, dans l'eau plutôt trouble d'un étang de jardin, un groupe de têtards. La plupart d'entre eux n'avaient rien de très inhabituel. Ils passaient leur temps à nager, à la recherche de particules de nourriture, comme le font les têtards. Mais il y en avait un parmi eux que les autres têtards considéraient comme décidément étrange. Appelons-le Tammy. Tammy était un peu solitaire. Son centre d'intérêt était très différent de ceux du reste de la population des têtards. Ils remarquèrent qu'il se comportait bizarrement et passait un temps fou à lire un vieux livre. Un jour, ils décidèrent de lui en parler. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Tammy ?» lui demandèrent-ils. « Pourquoi n'es-tu pas comme nous ?»« Eh bien, répondit-il, je lis ce livre ?» Il brandit le volume plutôt abîmé qu'il l'avait vu étudier avec tant d'ardeur. Sur la tranche, il pouvait à peine distinguer le titre, imprimé en lettres majuscules décolorées, « L'histoire de la vie d'une grenouille ». « Ici, continua Tammy, il est écrit que nous ne resterons pas des têtards toute notre vie. »« Nous n'allons pas rester des têtards ?» répéta la foule, stupéfaite et incrédule. « Non, continua Tammy. Un jour, nous allons tous nous transformer en grenouilles et vivre sur terre et respirant de l'air. »« Des grenouilles respirant de l'air sur terre ? Où as-tu donc trouvé ces idées ridicules ?»« Mais c'est vrai, protesta Tammy. C'est la grande grenouille qui nous a tous créés qui le dit. » À ce moment-là, un têtard plutôt supérieur s'avança en agitant une cravate universitaire. « Tammy, je vois que tu as absorbé beaucoup de vieilles idées absurdes auxquelles les têtards modernes ont cessé de croire depuis longtemps. Nous, les têtards, avons évolué à partir d'une couvée primitive. Nos scientifiques en ont trouvé des vestiges épars. Quant à l'air, ils ont examiné chaque recoin de l'étang, et il n'y en a pas la moindre trace. Peut-être, mais c'est précisément pour cela que la grande grenouille elle-même a sauté dans l'étang. Elle voulait nous donner ce livre afin que nous comprenions pourquoi nous sommes ici et où nous allons. Elle savait que nous ne pouvions pas le comprendre par nous-mêmes. Le têtard universitaire sourit et tapota la tête de Tammy. « Je vois, » dit-il gentiment, mais avec un peu de condescendance. « Eh bien, dis-moi alors, où est passée ta grande grenouille après t'avoir remis cet ouvrage de fiction trompeur ?»« Où ?» s'exclama Tammy. « Il a sauté hors de l'étang, bien sûr. »« Hors de l'étang ? Hors de l'étang ?» Les autres têtards haussèrent les nageoires avec exaspération. « Mais il n'y a nulle part en dehors de l'étang. Si vous êtes comme moi, vous vous demandez parfois « Pourquoi sommes-nous ici ?» L'existence d'êtres humains comme nous sur cette minuscule planète, dans un univers infini, semble tout à fait extraordinaire. Y a-t-il un sens à cela ? Nous venons au monde sans vraiment savoir qui nous sommes, notre identité. D'où nous venons, notre origine ? Pourquoi nous sommes ici, notre raison d'être ? Ou où nous allons, notre destin ? Pourtant, ces questions fondamentales sont extrêmement importantes pour nous. Contrairement aux animaux, nous, les humains, ne nous contentons pas de survivre. Nous avons besoin de comprendre le sens de notre existence pour que notre survie soit justifiée. Enlever à un être humain tout sens et toute raison d'être, et il est fort probable qu'il se suicidera, écrivant « Je n'ai aucune raison de vivre », comme leur dernier adieu. Dans mon histoire, malgré le mépris impitoyable de ses pairs, en particulier ceux qui se considéraient comme plus éduqués que lui, Tammy, l'étrange têtard en quête solitaire pour devenir une grenouille, était en fait le seul têtard dont la vie avait réellement un sens, car il était le seul têtard à avoir des réponses à ses questions fondamentales sur le sens de son existence. Et vous, Isabelle et Madeleine, avez-vous des réponses ? Pensez-vous que nous ne sommes que le fruit du hasard ? La vie humaine a-t-elle évolué à partir d'une bouillie primitive ? C'est une bonne question. Certaines personnes haussent les épaules et semblent se contenter, comme les animaux, de continuer à survivre. Mais j'espère que vous n'êtes pas comme ça, mes filles. J'espère que vous prendrez mon exemple et que vous chercherez des réponses. J'ai écrit les chapitres qui suivent parce que, comme Tammy le têtard, je crois avoir trouvé où se trouvent ces réponses et je veux les partager avec vous.